Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. C'est avec plaisir, Seigneur, que le Seigneur me met à cœur de partager avec vous cette petite exhortation. C'est très important. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, Jésus pose une question. Il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Il n'a pas dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la prospérité, les richesses, les maisons, l'argent, les voitures sur terre? Est-ce que je trouverai les océans sur terre? Est-ce que je trouverai les milliardaires sur terre? Est-ce que je trouverai des jeunes, des vieux? Est-ce que je trouverai le monde quand je vais revenir? Est-ce que je trouverai la foi? Est-ce que je trouverai la foi? Bien-aimé, je suis dit, quand je vais revenir, est-ce que vraiment je vais trouver la foi? Il ne dit pas, est-ce que je trouverai les hommes? Est-ce que je trouverai les richesses? Est-ce que je trouverai les nations, les pays? Est-ce que je trouverai des musiciens, des sportifs? Est-ce que je trouverai la foi? Jésus veut que tu sois sauvé. Dieu le Père veut que tu sois sauvé. Le Saint-Esprit travaille jour et nuit pour que tu sois sauvé. Le seul moyen par lequel tu peux être sauvé ne peut se faire que par la foi. La foi au sacrifice de Jésus à la croix. Tu es sauvé par la foi et non par tes œuvres. Quand Jésus dit, est-ce que je trouverai la foi sur terre? C'est parce que Jésus sait que le diable va livrer la guerre aux hommes pour détruire ta foi. C'est ta foi qui est visée. Les problèmes que tu as dans ta vie là, Satan vise ta foi. Il veut que tu dises, Dieu n'existe pas, j'ai prié, je ne vois rien, je laisse tomber. Est-ce que je trouverai la foi quand je vais revenir? Jésus te dit, quand il va revenir, est-ce qu'il te trouvera dans la foi? Est-ce que la foi sera toujours dans ton cœur? Tu es né un jour et un jour tu partiras. Je suis né. Le jour de ma mort arrive. La volonté de Dieu est que la mort me surprenne étant dans la foi. C'est par la foi qu'on est sauvé. Et Jésus dit, quand je vais revenir, est-ce que je vais trouver la foi? Mon frère, ma soeur, tu auras des épreuves, c'est immanquable. Parce que Satan fait tout. Il livre la guerre aux personnes qui croient à la parole de Dieu et au témoignage de Jésus. Apocalypse chapitre 12. Tous les problèmes que tu rencontres là, c'est parce que tu as la foi. Le diable ne va pas te lâcher. Parce qu'il peut coûte que tu perds ta foi. Il sait que s'il réussit à te décrocher de la foi, tu es fini. Parce que c'est le seul moyen par lequel tu peux être sauvé. C'est pourquoi toutes les difficultés que tu endures, les problèmes dans ton couple, les problèmes dans ta santé, le diable est en train de toucher partout. Il a touché les biens matériels de Job. Après, il a dit, bon, ça n'a pas marché. Maintenant, je vais toucher son corps par tous les moyens pour que tu perdes la foi. Résistez, bien-aimé. Résistez. N'attache pas trop d'importance aux choses de la terre, aux biens matériels, à l'argent, à ta propre vie. Jésus a dit, si quelqu'un aime sa propre vie, il ne peut pas me suivre. Car celui qui perdra sa vie, la retrouvera. Est-ce que je vais trouver la foi? Jésus te dit, tu as la foi aujourd'hui, mais pour combien? combien de temps? Tu crois en Jésus pour combien de temps encore? Est-ce que tu vas résister? Est-ce que les épreuves que le diable met devant toi, tu vas tenir? Ou bien tu vas jeter l'éponge? Tu n'arrives pas à trouver un mari, c'est le diable qui te combat pour que tu perdes ta foi. Tes études ne marchent pas, tu es attaqué. Ton commerce va dans tous les sens. Ta vie fonctionne en dents de scie. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est le diable pour que tu perdes ta foi. Bien-aimés, soyons déterminés. Il faut que le diable regarde, quand il regarde comme ça, il dit, celui-là j'ai tout fait, il n'abandonne pas Jésus, c'est même pas la peine. Vous vous souvenez de ces jeunes gens dans Actes des Apôtres qui voulaient chasser les démons? C'était des païens. Le démon a dit quoi? On connaît Jésus, on connaît Paul, mais vous, vous êtes qui? Ils connaissaient Paul. Paul n'est pas le Messie. Paul, c'est un homme comme toi et moi. Il mangeait la même baguette de pain qu'on mange. Mais les démons disent quand même, on connaît Paul. C'est un homme comme nous. Parce que Satan savait que l'homme-là, Paul-là, j'ai déjà tout fait. Pour qu'il décroche, il est toujours branché sur Jésus. C'est pourquoi Satan peut dire, on connaît Jésus, on connaît Paul. Paul là, il dit à ses démons, ne perdez plus votre temps avec lui. Lui c'est Jésus. Vous pouvez tout faire. Lui c'est Jésus. On a tout fait. Lui c'est Jésus. Mon frère, tiens ferme. Dieu veut que tu sois sauvé. Dieu veut que tu sois sauvé. Mais cela ne peut être possible que si la foi que tu as dans ton cœur aujourd'hui, tu la gardes jusqu'à la dernière minute de ta mort. C'est celui qui gardera la foi jusqu'à la fin qui sera sauvé. C'est ce que la Bible dit. Pas des gens qui abandonnent en cours de route. Pas celui qui abandonne en cours de route. Aujourd'hui, tu as la foi, mais est-ce que tu la garderas jusqu'à la fin de ta vie? Parce que si tu la perds en cours de route, tu vas en enfer. La porte du ciel s'ouvre par la foi. Les clés pour aller au ciel, c'est la foi en Jésus. Mais le diable ne veut pas que tu ailles là-bas. C'est pourquoi il t'attaque. Parfois par des maladies. Parfois par des épreuves. C'est lui pour que tu perdes ta foi. Le Seigneur nous avertit. Soyons déterminés. Qu'il touche le pied, c'est pas grave. Qu'il touche la tête, c'est pas grave. Qu'il touche mon boulot, c'est pas grave. Soyons déterminés comme Job. Nul, je suis sorti du ventre de ma mère. Nul, je partirai. Tu n'amèneras rien. Ne perds pas ta foi, mon frère. Tu es en train de souffrir aujourd'hui, c'est vrai. Mais c'est ta foi qui est visée. Jésus dit, quand je vais revenir, combien je trouverai avec la foi? Combien de personnes? Combien de personnes vont garder la foi malgré les différentes épreuves? Combien? Il faut que tu comprennes que le diable ne viendra jamais devant toi pour te dire, c'est moi le diable, abandonne Jésus. Non, le diable va passer par des attaques. Il va te rendre la vie difficile pour que tu abandonnes. Parce qu'il est jaloux de ton salut. Il ne veut pas que tu sois sauvé. Mais c'est à toi de lui tenir tête. Tu as le nom de Jésus pour le combattre. Combat-le au nom de Jésus. Ne te laisse pas là. Par terre et le diable marche sur toi. Non! Utilise le nom de Jésus dans le combat. Résiste. Tu as la puissance du nom de Jésus. Ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas marcher dessus. Résiste, garde ta foi, garde-la. Tu veux aller au ciel, c'est par ta foi. Jésus a déjà tout accompli à la croix. Il ne viendra plus faire autre chose. Il a déjà tout fait, tout est accompli. La balle est déjà dans le camp des hommes. La balle est dans notre camp. La balle est dans notre camp. Ce n'est plus par les œuvres, c'est juste par la foi. La balle est dans notre camp. Celui qui ira en enfer et qui a été sur terre l'a voulu lui-même. Celui qui va aller en enfer là a choisi lui-même l'enfer. Jésus a tout fait, tout ce qu'on pouvait faire pour notre salut. Il l'a complètement accompli. Mais le diable dit, ok, vous avez la foi, vous croyez en Jésus, on va voir, je vais vous faire ça dur. Vous allez voir le mari que tu aimes là, je vais l'amener à découcher, ta femme chérie là, je vais créer des problèmes dans votre couple, tu vas voir et tu vas perdre la foi. Toi là, tu veux travailler, ok, je vais tout faire pour que tu ne trouves pas de boulot et je sais que tu finiras par perdre la foi. Toi là, tu as tout fait avec le gynécologue, l'enfant ne vient pas, ok, je vais serrer la vis, pas d'enfant, jusqu'à ce que tu perds la foi. C'est comme ça que le diable fait. C'est ta foi qui est visée. C'est pourquoi Jésus dit, est-ce que je vais trouver la foi? Jésus ne dit pas quand je reviendrai, est-ce que je trouverai des hommes? Est-ce que je trouverai les richesses du monde? Est-ce que je trouverai les nations? Est-ce que je trouverai la foi? Parce que Jésus sait que c'est par la foi que tu es sauvé. Et comme Jésus ne veut pas te perdre, parce que s'il te perd, si tu vas en enfer, c'est comme si tout ce qu'il a subi à la croix, c'est pour rien. Si on va tous en enfer, c'est comme s'il a souffert pour rien. C'est pourquoi il veut que tu sois sauvé. Il a tout accompli parce que tu ne pouvais pas par toi-même. S'il suffit aujourd'hui de croire en son sacrifice, oui, tu es attaqué, mais tiens ferme. Tu as le nom de Jésus. Tu as le nom de Jésus, combat le diable, combat les démons, combat les sorciers par le nom de Jésus. Parce que tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous terre. Le nom de Jésus est puissant. Satan a peur. Les démons fuient devant le nom de Jésus. Tu as le pouvoir. Ne te laisse pas marcher dessus. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Satan n'a aucun pouvoir sur toi. Mais si tu lui laisses te marcher dessus, il prendra son plaisir. Il le fera. Fille de Dieu, fils de Dieu, levez-vous. Ne vous laissez pas marcher dessus. Le diable utilise les faux prophètes pour vous éloigner de Jésus. Pour vous éloigner de Jésus. Jésus n'agit pas par les gris-gris. Jésus n'agit pas par les fétiches. Les faux hommes de Dieu, c'est pour vous éloigner de Jésus. Les attaques que tu subis dans ta vie, c'est pour que tu perdes ta foi. Résiste, résiste, frère, résiste. Tu n'es pas le seul. Il y a d'autres aussi qui subissent tout ça. Regardez cette femme dans l'évangile de Luc. On l'appelle Anne. Elle a fait 7 ans de mariage et son mari est mort. La Bible dit, elle a servi le Seigneur depuis la mort de son mari jusqu'à sa vieillesse. Elle n'a pas dit, je suis encore une jeune femme. Il me faut un homme. J'en ai marre de dormir seul. J'en ai marre. Anne a dit, il n'y a que Jésus. Oh, je ne vais pas perdre mon Jésus. Mon mari est mort, ce n'est pas grave. Moi, c'est Jésus. Elle n'a pas dit, ok, je suis encore jeune. Il me faut trouver un homme, coûte que coûte. Si tu veux vaincre Satan, il faut que tu arrives à voir les choses de la vie comme de la boue. Bien sûr, il faut aller à l'école. Bien sûr, il faut travailler pour payer les factures. Oui. Mais si on t'enlève du travail, ce n'est pas la fin du monde. C'est ce que je veux te dire. C'est ce que le Seigneur nous fait comprendre. Ne vous attachez. Si on a fermé cette porte, moi, je vais t'ouvrir une autre porte. Ce n'est pas la fin du monde. Il faut voir ça comme de la boue. Je ne t'abandonnerai jamais. Tu ne mourras jamais faim. Je m'occuperai de toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Je pourvoirai à tes besoins. Dieu est vivant. Dieu est un papa responsable. Il assume. Dieu assume. Il s'occupe de ses enfants. Il prend soin de ses enfants. Le diable ne peut rien te faire. Le démon ne peut rien te faire. Le sorcier ne peut rien te faire. Dieu te protège. Il te couvre de son ombre. Personne ne peut entrer dans la maison. Attends, bien aimé, vous croyez que le diable va venir devant la maison de Dieu? À la porte, co-co-co, c'est qui? C'est le diable. C'est pourquoi faire? Je vais venir prendre tes dits. Dieu est un Dieu responsable. Il nous a sauvés et il s'occupe de nous. Réjouissons-nous. La Bible dit, regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être confrontés. Oui, il y a des épreuves. Oui. Les hommes ne sont pas seuls sur terre. La Bible dit dans l'Apocalypse 12 que Satan a perdu la guerre au ciel et il a été précipité sur la terre. Donc, il faut que tu saches que sur la terre, il y a des hommes, il y a le diable et ses démons. Ils ont perdu la guerre au ciel. Ils ont été jetés sur terre. Apocalypse chapitre 12. Et comme il est sur terre, lui et ses démons, il travaille avec les sorciers. Il travaille avec des personnes qui font l'occultisme pour attaquer les personnes qui ont la foi. Parce que la vision du diable, comme je l'ai toujours dit, c'est d'amener l'humanité tout entière, tous les hommes, jusqu'aux enfants, en enfer, tout le monde. Et comme il sait qu'on est sauvé, il sait que Jésus a tout accompli, il sait que l'homme ne peut être sauvé que par la foi, il dit, ok, on va leur faire ça dur pour qu'ils perdent tous la foi. C'est pourquoi tu subis des attaques. C'est pourquoi ta vie, c'est comme si on te met les bâtons dans les roues. C'est Satan qui a l'œuvre pour que tu perdes ta foi. Bien-aimé, que tu es un enfant, c'est pas grave. Dieu n'a pas encore dit le dernier mot dans ta vie. Élisabeth avait déjà de l'âge. Dieu a fait un miracle. Jean-Baptiste est né. Dieu n'a pas encore dit le dernier mot dans ton cas. N'abandonne pas la foi. Et si demain cet enfant ne vient pas, c'est pas la fin du monde. Anne, dans l'évangile de Luc, son mari est mort. Elle était encore jeune. La Bible ne parle pas d'un enfant de Anne. Elle n'a rien eu. Mais Anne est dans le royaume de Dieu. Anne est au ciel. Anne est sauvée. Ma mère a eu 11 enfants. Elle est partie. Vanité des vanités. Nous, on travaille aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on lui fait? Rien du tout. Elle ne mange même pas ma baguette de pain. Elle est partie. Elle m'a accouché, elle m'a élevé. Qu'est-ce qu'elle a gagné là-dedans? Je lui fais quoi? Rien. Soyons sérieux. Je lui dis, quand je vais revenir, est-ce que je vais trouver la foi? Mon frère, ma soeur, tu es un vaillant héros. Tu as Jésus avec toi. Tiens ferme. N'abandonne pas. Résiste au diable. Résiste. Tu as le nom de Jésus. Ne te laisse pas marcher dessus. Il faut combattre. Quand il amène la maladie, tu attaques la maladie au nom de Jésus. Quand il amène des petits problèmes, tu te lèves par la foi au nom de Jésus. Tu brises. Tu es un soldat de Christ. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Tu crois en Jésus, tu peux chasser les sorciers qui t'attaquent. Tu crois en Jésus, tu peux chasser les démons qui te mettent les bâtons dans les roues. Oui, tu peux le faire. Parce que tu crois. Les miracles accompagnent ceux qui croient. Frère, que Dieu vous bénisse.